La deuxième pièce s'appelle M. Acus, Do You Hear Me? D'Evangelia Paxinou, de Petros Flampouris et de Nicolas Rémy. Et tous les trois ont développé un dispositif de radio locale où ils se promènent avec une antenne, ils captent des sons et ces sons sont remixés en direct et sont réécoutés par d'autres gens qui marchent dans les mêmes endroits, mais ils injectent les sons des trajets précédents dans l'écoute. Et donc, c'est une composition sonore issue de plusieurs expériences de micro-radio locale. Une petite radio, on est émetteur et récepteur d'une petite radio locale quand on marche. Ils ne sont pas là, on ne va pas tester grandeur nature, mais on aura un petit peu l'esprit de leur travail. À cause. Petro? Ένα, δύο. So I will give the radio to Petro and je serai Petro. Je vais donc switch de je sais plus ce qui parle français qui parle. Okay. So I will give the radio to Petro and je serai Remettre la pluie. Thank you. fun night. Ça a bien marché là pour toi?